Je suis vital et je le reste. Arrive. Le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. Salut, salut, de retour. Tortoli Arbatax tous les mardis, 18h, 19h. Yo! C'est la spéciale Pasta Party, volume 2. L'escalope milanaise. Yes, I, enfin nous y sommes. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour les bambini, pour les nonos, pour les nonas, pour les ragazzi. Il y aura du bon vieux classique. On va vous mettre aussi des belles nouveautés. Vous y êtes habitués. Aujourd'hui, on passe à table. C'est l'escalope milanaise. Milanaise, yes, I. Alors on attaque fort avec deux petits morceaux directement. Le premier, on ne le présente plus, un habitué de l'émission. Si je vous dis mixtape pour les filles, volume 2, vous me dites ? Je vous dis cuisinier ! Ouais, Cuisy Cuis de TTC. Ils nous ont fait un petit remix de Vacanze in Italia. Ça, vous allez kiffer. On part direct dans l'ambiance. Et juste après, Crookers, les DJ qu'on a déjà passé dans l'émission, DJ italien. Et ils vont nous faire spécialement pour Tortoli Abatax. Abatax ? Qui c'est cet Abatax ? Un petit acapella de Day and Night de Kid Cudi. Ok ? C'est parti ! À tout de suite ! Hey ragazzi, I know you've been waiting for this one, right? Right? Siamo in vacanza in Italia con la famiglia fratelli. Join us, join us. Nicky in poverty? Nah, Nicky only. Moi et mon pote, dès qu'on a pris la caisse, on a décidé de descendre dans le sud. Voir du pays, voir des amis, boire toute la nuit, pizza et spaghetti. Mozza ragazza et soleil, cacio d'occia et sommeil. Vacances mare, tout sublime, petite cuise, oh merde. Comme une glace à l'italienne, sans la grappa du placard, v'là tes villas qui se ramène. Je sors de la mer, la bite à l'air, sous le soleil, mets ta casquette, si t'en as une, moi j'ai pris la mienne. J'ai pris ma casquette, le poste et la cassette de cul. J'appuie sur lecture et c'est le défilé de jolie fille. Je peux t'assurer que ça ne parle pas de politique. 100% de chance que ça finisse, Olivier. C'est calamar, calamar, cannelloni parmigiano, pasta par, pasta par. Voilà l'artiste, à l'arrière de la Vespa, j'échappe au paparazzi. Rentre à la casa, y'a la mama à la marmite. Fait du logis, c'est du joli. Pat fait tout chini, très du roli, c'est du loli. Rap Pasolini, film de Claude Zibi. Pas de limite, Fabrice Lucchini. Pesto pesce scoppa, la pasta è scotta. Bella Vespa, carina mia, vieni qui, ascolta il fuoco. Che vuoi di me? Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi. Giochiamo al gioco, je fais patatini. Après l'antipasti, voici l'after party. Gino Socchio, Dolce Vita de Ryan Paris. On frotte les filles, on a pas mal d'amis. Une drôle d'équipe, style Denis Lamalisse. Elle m'a dit attentionne, interdit de stationner. J'étais derrière comme un petit bâtard en train de la frotter. Elle me dit trop c'est trop, va voir si je suis à côté. En ouvrant la porte, la chambre, y'a sa sœur, je me suis mis à bosser. Thank you. Day and night, my mind, attain, sit, play, play, kiss, me, fast, last, the day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Digga digga digga digga digga digga digga digga dum dum dum. Digga digga digga digga digga digga digga dum dum dum dum dum. Digga digga digga digga digga digga digga digga dum dum dum. Digga digga digga digga digga digga digga digga dum dum dum dum dum. Digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga digga. Tortoli e Arbatax, la radio numero uno in Italia. Yes! On vient de s'écouter Crookers a cappella, le Day Night, vous connaissez, vous en avez bouffé en même temps que vous alliez au McDo, à la plage, n'importe où. N'importe où. N'importe où, vous en avez bouffé. Et en parlant de manger, tu n'as pas une petite astuce cuisine? Une astuce pour tous les Italiens et les non-Italiens et les ceux qui veulent bien manger ce soir, par exemple. Tout à fait, Tortoli. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Pour le risotto. Le risotto champignon. Je précise, n'hésitez pas à mettre un bon verre de vin blanc à l'intérieur. Une fois que vous avez fait rissoler les champignons. Merci, Maït Arbaton. Il n'y a pas de quoi. Prego. Ok, écoute, donc c'est calé pour ce soir. A priori, demain soir, ça serait pâte au pesto. Et ouais. Jeudi, on enchaîne par une petite raviole. Et puis ce week-end, on se remet des pâte au pesto. Ok, la semaine prochaine. Et vas-y que je te. Bon, spécial Italia, du coup, on reste sur le fil. Qu'est-ce qu'on. On est bien là, sur un petit pop. On est bien. Après le petit cuisinier, le petit Crookers, on va vous mettre un vrai rital ce coup-ci. Je dis pas que les Crookers n'étaient pas italiens. Celui-ci s'appelle Gnocchi. Rien à voir avec les Gnocchi. Non, rien à voir. C'est Gnocchi. Le titre, c'est Bologna by Night. Qu'on peut traduire par Tour en juillet. Voilà. Ou Marche en famène. Et voilà. C'est on va se mettre bien. Vous écoutez Tortoli Arbatax. C'est la spéciale Italia volume 2, les scalopes milanaises. Sur Radio Panique 105.4. Drauz. Shocker. B.O. Bolo Street Life. Gnocchi. Silenzio pazzo di mano. È il traffico che non conosce stop. Passa il pezzo e prendi tasca al cash. Sulla strada ti fai brutti flash. La violenza ti risucchia nel suo vortice. Lascia il segno come il taglio di una forbice. La mai in opinè. Al microfono c'è un assassino. Uccido con le rime. Sono un cecchino e sto mirando su di te. Perciò fai attenzione. Se vuoi sopravvivere alla devastazione. È la rivincita dell'hip hop. Mentalità del ghetto. PMC nel progetto. È il momento di mostrare quello che sai fare. Altrimenti levati perché dobbiamo andare. DJ suona fino all'alba. Ritmo che si scalda. Gente che non sa restare calma. L'autoradio spinge il nuovo hi-fi. Sulla macchina si va Mazzini Bolo by night. Sotto i portici viviamo street life. Siamo sempre per la strada mentre tu sei online. Rinchiusi in qualche casa ci fumiamo Grand Line. Medi, Gnocchi, Bologna by night. Sotto i portici viviamo street life. Siamo sempre per la strada mentre tu sei online. Rinchiusi in qualche casa ci fumiamo Grand Lines. Medi, Gnocchi, Bologna by night. Sputo rime, sparo flow. Gangsta reale proviene da B.O. e lo swing non conosce stop. C'è chi spinge come un coffee shop, noi spingiamo solo hip hop. Rimo su un CD o un nastro, splendo come un astro nella mia jersey Astros. New era sulla testa, è la nuova era, arrivo con un throwback alla fiesta. Mi piace di brutto l'hip hop, se hai capito, se non sei capito mi dispiace fra. In pista sul palco do il top, si sta danza con me, ci strusciamo non stop. Dalla strada al club, dalla piazza al pub, c'è chi mostra bling bling, c'è chi pronto ad andare sopra il ring. Qui c'è Medi, Mazzini, Maghreb, a mostrarti la realtà assieme a me. Sotto i portici viviamo street life, siamo sempre per la strada mentre tu sei online. Richiusi in qualche casa ci fumiamo grand line. Medi, Inoki, Bologna by night. Sotto i portici viviamo street life, siamo sempre per la strada mentre tu sei online. Richiusi in qualche casa ci fumiamo grand line. Medi, Inoki, Bologna by night. Petto a petto, due coscienze in uno spazio stretto. Mazzini il nostro tempio, taglio il vento, fermo il lampo, mangio il tempo, il fottuto che parla lo stempio. E forse stai parlando come M-E-H-D-I-I-N-O-K-I. In questo istante una parola passa, il prezzo della vita non si abbassa. Basta con il perché, dimmi com'è, cosa hai preso il vizio del bla bla. Parte bassa, parlare senza agire, abbiossi occhi di ragazzi a fine. Urlano, basta soffrire, è solo l'inizio. Falle di vita, ma sei solo un maraio senza ingaggio. Decodifico quello che vivo, sei ancora vivo. Prendi al volo quello che spaccio. Se il tuo rap è figo, cico, amico, ti dico il mio è veramente selvaggio. Sotto i portici viviamo street life, siamo sempre per la strada mentre tu sei online. Richiusi in qualche casa ci fumiamo grand line. Medi, Inoki, Bologna by night. Sotto i portici viviamo street life, siamo sempre per la strada mentre tu sei online. Richiusi in qualche casa ci fumiamo grand line. Medi, Inoki, Bologna by night. Yes, yes, c'était Knoki ou Gnocchi, les petites pâtes qui ressemblent à des vulves. Vous les connaissez, ces petites pâtes? C'est celles qui vont bien avec les penne-arrigate. Voilà. C'est parfait pour mélanger. Une sacrée salade. Dis donc, Arbatax. Si on se faisait une petite salade culturelle d'ailleurs. Il est 18h15, c'est l'heure de l'agenda. L'agenda culturel. Yes, I. Et c'est l'agenda culturel d'Arbatax. Yes, I. Merci, ma poule. Merci. C'est bien. Bon, lâche-moi là. Bah, lâche-moi la main. C'est un gentleman, c'est bien. C'est tu me touches la cuisse là, tout le temps. Ah, désolé, je crois que c'était la mienne. Pardon. D'ailleurs, c'était pas ma cuisse. C'est pour ça que j'ai confondu. Allons-y. Alors, niveau culturel, qu'est-ce que je vous ai trouvé? Arbatax a trouvé qu'il y a un petit festival qui s'appelle le Welcome Spring Festival à Louvain-la-Neuve. C'est demain, mercredi 21. C'est un festival gratos. Il y aura des animations dans tout Louvain-la-Neuve à partir de 13h30, 14h. Bah, je crois que c'est surtout destiné aux bambinos. Donc vous pointez pas trop à ce store-là, hein, allez faire les courses d'abord. Et puis par contre pointez-vous vers 17-18h, c'est là que le son commence. Et j'ai repéré dans le line-up, dans la programmation, DJ Missile, Sold Out, Naive No Beaters. Et ce genre de petits plaisirs, de petites gâteries. Des petites gâteries, des petits antipastilles. Voilà, bon, je rappelle aussi qu'il y a la Ligue des Champions et que nous on n'y sera pas. Hein. À la Ligue des Champions? Non, je suis pas qualifié. Non, apparemment, mes crampons allaient pas. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Non, mais t'as pas été qualifié. J'ai été pécho avec Ribéry dans une boîte de nuit. C'était donc toi. Du coup, je vais aller porter plainte. Tortoli, proxénète. Pour jeudi 22. Ne me déconcentre pas. Allons-y. Magic Malik, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Magic Malik, un flûtiste. Flûtiste. De renommée internationale. Ça, je laisserai pas passer ça. Flûtiste. Qu'on a faut connu. Faut que tu nous expliques. Flûtiste. Flûtiste. Ah d'accord, comme la baguette, la flûte. Qui fait de la flûte, du pipeau, tu vois, ce genre de trucs okay. Avant là. Magic Malik qu'on a découvert. Oh là, y a une remontée acide. S'il te plaît. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Magic Malik qu'on a découvert lors de multiples collaborations avec Hocus Pocus. Collabo. Alors du coup c'est jeudi 22 à Flagey, le Magic Malik Orchestra à Flagey. Là par contre c'est un petit peu rush, je vous annonce, il faudra compter entre 14 et 23 euros suivant si c'est pré-vente, tarif réduit sur place ou emporté. On ira ensuite pas. Jeudi il y a aussi à Beurs un collectif qui s'appelle The Marcel Collective, qui rend hommage en fait à trois artistes du XXe siècle, trois artistes surréalistes dont les trois s'appelaient Marcel, à savoir, j'ai noté, je ne connaissais pas, j'aime pas l'art en fait moi, donc je ne savais pas mais... Tu préfères le l'art. C'est Marcel Marienne, Marcel Brutiers et, en plus, et Marcel écrit. Duchamp. Et en plus t'as mal écrit. En plus j'ai mal écrit, ouais, j'ai mes petites pattes de... De loup. Petites pattes de loup. Pattes de loup. Voilà, donc loup le Marcel Collectif rendra hommage à ces trois artistes à Beurs jeudi. Et ils diffuseront un documentaire, un film qui s'appelle Marcel. Voilà, et merci. Puis... Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Cet agenda culturel vous a été présenté par... Ce week-end, faites-vous plus d'une toile. Allez à Florence, 1959 francs. L'Italie, allez-y. Alitalia. Oh, sympathique. Nickel, merci. Sponsorisé par Alitalia. Ça, c'est pour tous nos confrères qui sont restés voilà. En territoire... Ennemi. Non, spaghetti. En territoire spaghetti. En territoire spaghetti, bloqué sous les cendres. Tous nos frères tombaient sous les cendres. Voilà. Dédicace à toi, concitoyenne de Douéville. Hey. Allez, Tortoli, merci. Je t'en passe ta main pour l'agenda culturel. Merci. Mais juste avant, on va se mettre Nina Zilli. Nina Zilli featuring Giuliano Palma. Et le titre Arbatax, comment tu dirais? 50 mia. Ah, bene. Nina Zil fit Giuliano Palma. Allez, à tout à l'heure, Tortoli. Au revoir, Arbatax. Yeah. Vous écoutez Tortoli Herbe Attacks, il est 18h22 et c'est l'heure de retrouver notre ami Tortoli. C'est l'heure de quoi ? De l'agenda culturel. Alors, moi, pas de sponsor, pas d'Alitalia, pas de fioriture. On va aller droit au but. Pas de fiori ? Pas de fiori. C'est Patrick. Ah ouais, t'es intime de ce genre de personne. Je l'appelle Pat Fiori. Pat Fiori. Salut Pat. Pas de fioriture ? Le petit Pat. Ok, très bien. Mon alors... agenda culturel. Enfin, c'est un peu l'agenda culturel de tout le monde. Je veux bien le partager. Je t'en passerai un petit peu si tu veux, Arbatax. Fais-moi plaisir. C'est vrai ? Oh oui. Ça te plaît ? Ah. Ça me ferait trop plaisir. Ce soir, au Bonnefoy, dans le centre. Non, putain de musique derrière t'entends moi. C'est horrible. Ce soir, le bar Le Bonnefoy, il y a une sacrée soirée, comme dirait l'autre. Il y a le collectif La 8 qui présente une soirée spectre sensationnelle. Sensationnelle. C'est à partir de minuit, Le Bonnefoy, c'est rue des Pierres, à Bourse. Vous retrouverez notamment Grand Zou. Il l'a bien dit là. Il l'a bien dit. Grand So Ugly, il y aura Markan, il y aura Bishop Dust, Hucter et sûrement Lofi Story. Voilà, c'est le collectif La 8 qui présente cette soirée vendredi. Je vous enchaîne direct. Avant vendredi, il y a... Jeudi. Pas du tout, mercredi. Raté. Mercredi, vous trouverez Tung, le groupe anglais un peu folk et expérimental, hyper bien. C'est au Botanique, ça vous coûtera entre 10, 13 et 16 euros. À peu près, entre les trois. Je vous donne une fourchette. Merci, ça me permettra d'enrouler mes spaghettis. Oui, merci. Tu veux une cuillère ou pas ? Ah oui, il y a deux écoles. Moi, je suis l'école de la cuillère. Voilà, il y a ce. Mais on n'est peut-être pas là pour parler de ça. Non, d'ailleurs, on parlera de la cuillère, la fourchette automatique qui tourne toute seule. Enfin, ça, c'est. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Une invention pour manger des spaghettis bolo. Ah, merci, Arbatax. Toi qui es revenu de Slovénie pour nous ramener ça. Je continue mon agenda culturel. Fais-nous plaisir, continue. Donc après le mercredi, il y a le... Le jeudi ? Mais non, encore raté ! Le vendredi ! Oh, décidément. Jeudi, on se repose. Vendredi, vous avez le choix entre une soirée, la soirée anti-tapas. Ça se passe à l'ex-cantina à Saint-Gilles. Il y aura notamment Trouble Mousse du Gitano Guinguette. Gitano Guinguette. Et Boris Viande. L'entrée est à peu près à 5 euros. Et si vous pointez avant 22h, vous avez un peu de bouffe. Et ouais, les gros radins, venez à 22. Allez les petits riens. Si vous êtes pas trop anti-tapas et vous êtes plus Radio Panique, il y a la Radio Panique mini party vendredi 23, ce vendredi, ça vous coûtera 1,99€ exactement. Vous retrouverez notamment les... C'est pas qu'on vous rende les 1 centime. Non, on fera pas ça, on va les garder, on en fera des vidanges. Il y aura, ça se passe à la cave du BZZZ, rue d'Artois, dans le centre. Dans le centre de Bruxelles, il y a Red Bamboo, Surreal Sound System, Lofi Story, Réservoir Dub, Snooba, j'en passe, et des meilleurs que des Selecta. Tout le gratin de Radio Panique. Que des Selecta de Radio Panique. Dans un dernier cas, vous pouvez vous pointer au Recyclar. Il y a une soirée Mea Kusma avec DJ Pete et Sleep Archive. C'est une soirée électro-techno, ça va envoyer sévère. C'est 10 euros l'entrée sur place. Voilà. BJ. Merci Herbatax. De rien. De rien. Maintenant, on va repasser au son. Mais attends, je voudrais. Oh non, ça y est. Hey. Je suis pris. Il y a un homme qui rentre dans mon corps. Mais tu savais que Tortoli Herbe Attacks, c'était la radio numéro uno en Italie? Non. Écoute ça. Tortoli Herbe Attacks, la radio numéro uno en Italie. Bah voilà, comme ça tu le sais. Yes. On pourrait s'enchaîner juste derrière. C'est pas nous qu'on le dit. Allez, derrière, on se remet un peu de son et du gros son s'il vous plaît. On passe à la morceau Lookout. Pardon. Ah, j'ai vu ton intestin quand tu as ouvert la bouche comme ça. C'est peut-être mes lunettes de soleil qui m'empêchent de voir. Attends, bouge pas. Gilbert Montagnier, sors de ce corps Gilbert Montagnier. Laisse-moi parler. Torto, je vais te mettre des coups de popon. Mama Marjaz, que vous avez découvert la semaine dernière lors de notre première émission spéciale Italia, la Penerigate. Et là, Mama Marjaz, elle est en featuring avec Lumara, ça s'appelle Lookout, c'est du pure dance soul pour toi, baby. Et puis ensuite, il y aura Alborosi, normal, je dirais. Et on passe Mr. President de l'album Escape from Babylon, qu'on a déjà passé, c'est vrai, on s'en excuse, mais on s'en fout. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, et puis c'est toujours bon. Et si tu veux gueuler, de toute façon, tu peux toujours gueuler. On ne t'écoutera pas. Yes. Ou alors on lira tes mails, simplement. Tu écoutes Tortoli Arbatax, c'est 105.4, c'est pour toi. Baby Big Selecta Tortoli Arbatax. Piou Merci. What watch out Babylonian Mafia macaroni. Fire upon the one the name Silvio Berlusconi. Fire upon the government, lightning upon the station. Sons upon the markers, them killing off me nation. Lord, the youth, them make the youth, them express themselves. Reggae sense, the meaning, peace and love and nothing else. Lucifer rolling out in a one blue Lamborghini. Fire upon the one the name Benito Mussolini. Put the tanks, them make poor people stand up. Structure city, youth, them recreational spot. Investing on the youth, them believing all of the youth. Them stop pressure down the youth, them stop blind. Well done, Mr. President. We tired. Of Israel, burn down Vatican. Jesus Lassie, I the teacher. Love is my religion. Zion is my promised land. Well, President Berlusconi, why you pushing us back? Your lies them done long time, but your mouth still attack. Still, you may have to send you one big bumbo clot. We tired to hear enough crap. Well then, Mr. President, We tired. Of yo. Mr. President. We tired. De retour sur Tortoli Herbatax, c'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est radiopanique.org. Yes, t'as tout dit. J'ai tout dit. Tu veux dire un truc? Aïe, je dirais bien que toi, auditeur, tu peux nous écrire à tortoliherbatax@gmail.com, mais c'était pas ça que je devais dire. Mais c'est pas grave, y a pas de frontières, y a pas de limites, y a pas de carcan ici. Tu peux dire que, ah, t'as un problème. Tortoli, je sais pas, j'ai un petit coup de mou, je dois avoir faim ou je sais pas. T'as des remontées acides? Non, j'ai faim là, t'as pas un truc Ah si. Ouais. Attends, j'ai un truc. Regarde. Vas-y, montre. Marco Bellini. Qui lui a donné la recette de la pizza aux fruits de mer et de sa merveilleuse pâte? C'est moi. Est-ce le Grand Canal? Non. Est-ce l'appétit de vivre dans la douceur exquise? Peut-être. Ou peut-être ces barques chargées de mille couleurs. Ça doit être ça. Ou alors c'est inspiré de la saveur d'un soir qui embrasse Venise tout entière. La pizza aux fruits de mer de Marco Bellini, c'est tout Venise. Oh, c'est tout Venise. Donc pour toi, c'est quoi alors qui lui donne cette saveur? Pour moi, c'est surtout les fruits de mer qu'ils ont été pêchés. Où ça? Dans le golfe de Roseille. Ah, tutto bene. En Sardaigne. Tutto bene. Tutto bene. Sardaigne. Pizza Bellini, donc. Pizza Bellini, merci ma poule, ça m'a rendu grand service. Si toi aussi tu fais partie de la société Bellini, n'hésite pas à nous envoyer des pizzas, des fruits de mer, des raviolis, des pâtes fraîches. Et juste avant, on s'était écouté un petit Alborosi, Mr. President, Alborosi qui est un des seuls reggae dancehall men à avoir percé et être respecté en Jamaïque. Ah ouais, un Bianco, un Waitos. Comme dirait Emmanuel Valls. C'est vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez le voir en concert, eh ben, il va falloir faire de la route. Le plus près qu'on ait trouvé, c'était Luxembourg, il me semble. Donc c'est ça va, c'est pas si loin que ça. Ça va. Je vois pas pourquoi vous gueulez, là. Je les vois, là. Ils gueulent. C'est-à-dire que c'est vraiment une bonne occasion d'y aller, quoi. Bah, Luxembourg. Je vois pas d'ailleurs d'autres occasions d'y aller en dehors de celle-là. Non, je suis un peu médisant. Je suis un petit peu médisant. T'es limite, là. Ouais, Alborosi, et puis juste avant, Mama Marjas, moi je suis fan, hein, c'est pour ça que je le répète, Mama Marjas, petit album, B-Lady, je pense pas qu'on le trouve ici, sûrement en Italie, mais en tout cas, Mama Marjas, elle déboîte. Mais avec Emule, je pense qu'on peut tout trouver, hein, il me semble. Avec tes mules? Avec mes mules, oui, exactement, parce que toi t'es encore en Minitel. Ouais, si t'as un peu de mules, tu devrais trouver Mama Marjas sur Emule, exact. Bah regarde ton pantalon, là, t'es parti à la chasse aux mules, à la pêche aux mules. Et tu me coupes la musique, en plus. Scheiße! Aïe, aïe, aïe! Ah, ma fa schifo! Scandaloso! Scandaloso! On va se réécouter. Tiens, on va continuer un peu sur le reggae, ça c'est le coup de cœur. Ce qu'on va se balancer, ça va être ce petit truc là. Articolo 31. Ouais. Sur un redeem de Bob. Ça vous rappelle quelque chose? J-Ax, quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore, noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non tiri umani te, chiedo meno per c'è, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, gli dì chi è se, puttana che come a me, le cristiane sono in guerra. Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè. Colpa di noi selvaggi con i tatuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo di aria coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, chi al giorno ci ha rifiuto di dorare da gufo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, ma indovina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bun, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola a ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non si arrende e difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non c'è umanità, chiedemelo per c'è. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, ci sui u te. Voga cerca pace a mezza sta uè. Se non c'è umanità, chiedemelo per c'è. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico a sé. Puttane che come a me, le cristiane siete lingue. Noi, gente che crema, cercando qualcosa di più. In fondo la sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. 2002, Jay Asha. Sene, Reverendo Whatsappana. Reverendo. Se, se, se. Clenche l'accent, zio, se, se, se. Benvenuti su Radio Panic e lo speciale Pasta Party di Tortoli e Erba Tax. Oggi la seconda parte, scaloppine alla milanese. Buon appetito! Ça va? Ça va? Toda gioia, toda bellezza. Oh, Torto. Tortoli, t'es où? Attends. T'es où? J'étais parti chercher des glaces là. Ouah mec, t'as géré. J'étais sur la plage, j'ai pris vanille fraise, ça va ou quoi? Nickel. Chouchou, beignet, boisson fraîche. Vas-y, nickel. On est bien là au bord de la plage, on est bien. Ouah, impeccable, mais mec, on a une émission de radio là. Attends, tu peux pas te barrer comme ça. Attends, j'ai la balle dans ma bouche. Amo. Oh putain, et c'était quoi ce son là? C'était bien, hein. C'était Roy Patchy, je crois. Ouais, ouais, avec un artiste dont j'arrive pas à lire le nom. Aretuska. Si. Le morceau s'appelait Toda Gioia, Toda Bella. Ça veut dire tout en joie, tout est belle. C'est une pute quoi. Ouais, en gros, ouais, voilà, tu vois la meuf, c'est une milf quoi. Ah d'accord, ok. Et pas mal, Roy Patchy alors. Juste avant, c'était Gente Que Spera de Articolo. Talenta ou non. Il y a toujours cette belle musique en fait quand on parle. On mais est obligé. Non, toujours. C'est obligé. Ça en fait c'est dans le déjà... micro. Mais tu sais, t'as déjà été en Italie ou pas? Ça c'est comme ça. Bah j'y suis là. Ah bah oui, c'est vrai. T'es où toi? sur le talon là, tu vois, on n'est pas. Ah t'es sur le talon? Ouais. Moi je suis sur les deux pieds. Ah je suis sur mes talons. Ok, d'accord. Mais ouais, il y a toujours ce son quand on parle. Ah non. Moi je propose qu'on s'écoute un petit Caparezza. Caparezza, si j'ai entendu parler de ça. T'as déjà ouais. Caparezza? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et viens y avalare in Puglia. Hein. Ah voilà, j'ai. Viens danser avec moi dans les Pouilles. Viens danser! Non, c'est ça? Bah c'est oui, c'est un peu le Gilbert Montagnier des Pouilles. Ok. De la botte. Tu nous montreras à quoi ça ressemble, Tortoli? Oui, bah je danserai sur les talons, comme okay. D'habitude. Vous êtes sur Tortoli Arbatax, c'est Caparezza. Vieni ballare in Puglia. In Puglia. Ciao. I delfini vanno a ballare sulle spiagge. Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. I treni vanno a ballare nei musei a pagamento. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Ma questa terra ti manda al manico. Mio, mare Adriatico e io. Mio, vuoi respirare lo io. Dio, ma qui nel golfo c'è puzza di golfo. Che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva. Qua ti vengono qua più rose di milva. E dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona. C'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese. Dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese. Pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Dove la notte buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure. Ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori. E se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati in barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati. Mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Dove la notte buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure. Tu che devi ballare in Puglia. la la la. C'était bon ça. Yes, yes, yes, yes, yes. C'était Caparezza. Caparezza. Vieni a bailare in Puglia. On a bien dansé, hein. C'était bon. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on a fait que ça de tout notre voyage en Italie. Danser, danser. Ah là là, et dire que ce voyage va bientôt s'arrêter. Non, je veux pas partir. J'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie de rentrer, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber en plus avec ce nuage de cendres. Enfin, on va jamais arriver à rentrer, je suis sûr. Mais enfin, ne pensons pas à ça et apprécions nos derniers moments en Italie. Et voilà, c'est Tortoli et Herbatax. C'est Radio Papa, c'est Radio Panique. Voilà, rien que pour toi. J'espère. Qu'est-ce qu'on va on va se mettre un petit Renato Carozzone. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Ça, je pense que tout amateur de l'Italie aura reconnu. Aura reconnu. Ou reconnaîtra. Donc, il y a une petite chanson qui swing. Tu vuoi fare l'americano. Swing. Tu vuoi fare l'americano, Renato Carozzone. On va se caler ça. Par contre, avant, moi, j'ai une petite suggestion. Je voudrais vous parler de quelque chose. Ah, tu veux nous faire encore une petite réclame. Exactement. Du 29 avril au 8 mai, l'Italie vous attend à la foire exposition vosgienne d'Épinal. Hey, andiamo! Ben voilà, la foire exposition vosgienne. Un diamant, comme on dit dans les Vosges. Un diamant. Ok, c'est cool. Bon bah, à défaut d'aller en Italie, on ira peut-être dans les Vosges. Dans les Vosges, un diamant. Un diamant. Oh là là. Balance-nous du son. Balance. Mets-nous bien là, mets-nous Renato Carozzone. Allez, Exa Swing. Vas-y. Oui. Twist! Porte cazzuno con un stemma re. Una coppolella che vi si era alzata. Passa scambaniana pattuletta. Con mano a papà da fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fa. Dove vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi sentiti stupato. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, ma è sorta vecchia a me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu fai l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come ti puoi capire chi ti va bene, se tu la parli mi sa americano, quando si fa l'amore sotto la luna. Come ti viene in capo di I love you. Tu vuoi fare americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti sentiti stupato. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball. Ma è sorta vecchia a me. Chi te li dà la borsetta di mamma. Tu va l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan. Tu va l'americano, tu va l'americano. da me chi do papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Qua ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma hai sorte per camello. Chi te li dà la forzetta di mamma, tu vuoi americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi pan-american, tu vuoi pan-american. Whisky e soda e rock and roll. Whisky e soda e rock and roll. Whisky e soda e rock and roll. Tu vuoi pan-americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi pan-american, tu vuoi pan-american. Whisky e soda e rock and roll. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Tortoli e Arbatax, la radio numero uno in Italia. C'était bon ça. Oh, puis en plus, derrière, tu me mets un petit son. Oh. Je voulais le remettre, celui-là. Merci. Merci, Arbaton. T'inquiète. C'était Renato Carozan, hein. Mais... Tu vois, il faut l'americano. Qui est-ce qui l'a repris, ce truc, là? Non, mais... Bah, attends, ce serait pas un... Ah, mais si, ce serait donc un rappeur de Marseille, là. Tu sais bien. Akash, Akhenaton. Non. Mais si, il me semble bien. C'était Danny Briand, mec. Non. Tu veux revoir l'Americano. Non. Americano. C'était Akash, Akhenaton. Et je le revois déjà, je sais qu'il est passé à Vivement Dimanche, là, dimanche dernier. Dès qu'on revient en Belgique, franchement, on voit ça, mais... Non. Parce qu'ici, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité. On peut pas vérifier. On n'est pas là pour ça. Ici, c'est pizza cuite au feu de bois. À l'ancienne. Exact. Bon, on va entamer notre montée en Belgique. Je sais pas si avec ce nuage on va réussir à revenir de sitôt, mais en attendant, vous pouvez peut-être nous envoyer un Eurolines. Nous envoyer un car, un autobus. Un car, un bus, un scooter des mers. Sinon, on monte à pied, on passe par la Suisse. Ouais, on chopera du son. Du son en Suisse. Du son, on chopera du son. Ouais, on va se rentrer comme on peut, hein. Mais on vous promet d'être là mardi prochain de 18h à 19h sur Radio Panique, comme tous les mardis. C'est Tortoli et Arbatax. Si vous avez des petits commentaires à nous faire, des suggestions, des doigts d'honneur, des petites fessées, des gâteries aussi, des trucs gentils, vous le pouvez le faire. Tu prends ton ordinateur, tu tapes Tortoli Arbatax à gmail.com et tu nous envoies tout ce que tu as à nous dire. Tu peux aussi le faire, il me semble, sur un truc mais que je connais pas très bien. Je crois que c'est encore sur le Minitel. C'est Facebook ou je sais pas. 3615 Facebook. 3615 Facebook, voilà. Il paraît qu'il y a des trucs qui se passent là-dessus. Mais voilà. Tu peux aussi nous faire une nouvelle contribution. Arbatax, tu peux m'expliquer? Bah, à notre tour, j'aimerais bien que dans la boîte aux lettres de Tortoli Arbatax, il y ait des petites cartes postales. Comme ça nous ferait zizir. Où que tu sois à Bruxelles, dans ta chambre, à Namur, en France, en Angleterre, peu importe, envoie-nous une petite carte postale sonore. Enregistre un petit peu ce qui se passe autour de toi, tes soirées, le matin quand tu te réveilles, quand tu vas à un concert, quand tu vas sur une terrasse, peu importe, enregistre tes potes ou quoi, une petite minute, 30 secondes, n'importe quoi. Et envoie-nous ça, quoi, une petite carte postale sonore. On en fera part au comité de programmation qui, à l'issue de cela, délibérera. Et peut-être, je dis bien peut-être, ta carte postale sera sélectionnée pour passer dans le prochain Tortoli et Arbatax. T'inquiète pas, les sélections sont pas très rudes. T'inquiète pas, on passera tout. On passera tout, mais... Tu peux faire des tâches, vas-y. Tu peux faire des efforts aussi, hein. C'est pas exclu. Voilà, et fais-nous partager l'ambiance de ton patelin, de là où t'es, de ta vie. On passera ça ici. Si t'as une vie de merde, c'est pareil, tu peux nous le dire aussi. Ouh, j'entends encore les cloches de Saint-Jos. Oh, il est 19h, on doit rendre bientôt l'antenne. On va partir sur un classique, comme toutes les semaines, vous connaissez le principe. Vers 19h, on se met un classique pour partir bien. Bah hop, voilà. Un petit glaçon. Un petit glaçon dans mon mojito. un petit glaçon dans mon mojito. Et ouais, je retourne sur la plage. En écoutant quoi? En écoutant Adriano Celentano. I want to know. Je voudrais savoir. Yes. Salut l'Italie. Et bonjour la Belgique. Bonjour la Belgique, on arrive. On revient à la semaine prochaine. Salut cher auditeur, c'était Tortolier Batax. Ciao coolo, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Vas-y Adriano, ciao. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. I want to know. Vorrei sapere. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. I want to know. Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi in scatolati come le acciughe nascono i bimbi che hanno già le rughe. I want to know. I want to know. I want to know. Vorrei sapere. I want to know. Perché la gente non dice niente ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know. I want to know, I want to know. That I fight forever, for the fever that fired. For whatever they have to be done here for whatever the fever. Don't dare to fight it for the fever that fire. That for them, that for them, that for them, that for them, that for them, that for them, that for them. I want to know.